C'est un peu ça pareil. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, oui. D'ailleurs, la caricature du grec, ben là, oui. Est très drôle. Le boulet de canon, drôle. L'islamophobie, il souffle sur le feu en dessous, c'est tout celle-là? Ben oui. Il souffle sur les braises. Mais c'est ça, je veux dire, lui, c'est un inconscient jusqu'à un certain point, malgré que je pense que il sait ce qu'il fait, mais je suis pas certaine qu'il se rend compte de la manière qu'il le fait. Oh, moi, je pense qu'il est conscient d'absolument tout ce qu'il fait, là. Toi, tu... Ouais, néglige-le pas, là. Il refuse de répondre à toutes les questions, refuse de condamner Charlie Hebdo. C'est vraiment... Moi, je l'avais demandé, de louche, quand il y a eu les attentats à Québec puis à Saint-Jean, parce que moi, ça fait longtemps que je lui colle aux fesses, hein. Je lui colle aux fesses sur les réseaux sociaux régulièrement, puis je lui demande, quand il se passe quelque chose, je lui demande toujours, est-ce que vous allez dénoncer? Et une fois sur deux, il me répond, je vais dénoncer le jour où vous allez dénoncer Israël. Allô? Oui, absolument. Lui, il aime beaucoup parler de Gaza, hein? Oui, bien sûr, le phosphore blanc. Bush, George Bush, il a ressuscité George Bush qui est plus là depuis 6 ans. Ben oui, on le voyait plus, lui. On n'entendait plus parler. Puis c'est une création des Américains, hein? Quel raccourci intellectuel épouvantable. Ah, oh, puis il s'en va mentionner ma bête noire entre toutes quand je pense à mes amis de la gauche. Et je nomme Noam Chomsky. Ben oui. Cet intellectuel américain qui est un très grand linguiste, ça c'est vrai, mais qui est aussi, c'est le pape de la gauche internationale. Oui. C'est lui qui écrit, il n'arrête pas d'écrire des livres, où c'est toujours, tout est toujours absolument 100% la faute des Américains. Puis il va nous l'expliquer en 400 pages. Moi, Noam Chomsky, l'anticapitaliste. C'est ça. Puis en plus de ça, c'est un juif et comme on dit en anglais, il y a une expression self-hating Jew. Des juifs qui n'aiment pas beaucoup, qui s'aiment pas beaucoup eux-mêmes parce qu'ils n'aiment pas les juifs. Tu sais, self-deprecating, mais ça fait partie de l'humour noir mais là, juif, mais lui, ouais, c'est self-hating. C'est self-hating, oui. Et c'est vraiment un triste personnage, mais pour Adil Sharkawi... D'ailleurs, le lien entre la gauche et des personnages comme Adil Sharkawi, elle est de plus en... Ce lien-là est de plus en plus évident. De plus en plus clair, de plus en plus... Judith Lucien, hier, dans le journal Métro à Montréal, qui est une chroniqueuse très connue, qui, elle, est partie à la défense d'Adil Sharkawi. T'es pas sérieuse. Oui, qui wow. Disait qu'il avait tout à fait raison de pas vouloir répondre aux questions sur est-ce qu'il condamne ou non les attentats. Mais voyons. Non, sérieusement, ça vaut la peine d'aller voir sur le site du journal Métro, là. On va aller faire un tour. On va aller faire un tour là-dessus. Mais en terminant, Lise, je veux t'entendre. On a révélé, parce que là, tu as fait référence à notre premier segment d'émission sur la France. Mais il y a un site Internet, c'est le site de la centre communautaire FAT. Dans le e-library, on parle de polygamie. Les femmes devraient prendre leur trou. Ils n'ont pas le droit de danser devant les hommes. Le voile, c'est OK. Commandité par Marc Tanguay, le député libéral. Est-ce de la naïveté dans son cas? Est-ce qu'il veut s'approprier des votes, paraître comme un gentil garçon? C'est quoi? Comment tu perçois ça? Je pense que c'est de l'ignorance de sa part. Ouais. C'est un gars qui pense, qui en connaît beaucoup là-dessus, parce qu'il participait d'ailleurs aux commissions parlementaires sur la charte, puis ses interventions n'étaient pas toujours très éclairées. Mais c'est ça le dilemme, c'est que oui, l'islam dit qu'une femme ne devrait pas sortir si elle n'est pas habillée de la tête aux pieds. Oui, une femme, c'est vrai que ça le dit. Puis c'est un peu ce que Richard Martineau dit aujourd'hui avec sa chronique sur les modérés. C'est que tu peux être modéré, d'ailleurs, ce centre-là, FAT, a vraiment condamné les attentats au Canada de façon très claire, qui dissocié de toute violence. Mm-hmm. Mais par contre, ben, qu'est-ce que c'est l'islam pareil. Et même au niveau des modérés, c'est comme souhaiter que l'Église catholique demain matin approuve les mariages homosexuels. Tu sais, ça n'arrivera pas. L'islam, c'est pas ça. C'est une religion qui est rigoriste. Ce sont les règles véritables de l'islam. Oui, c'est pas nécessairement... Oui. Autrement dit, il n'y a pas d'islam modéré. Ça n'existe pas. C'est un peu ça que tu dis? Non, c'est exactement ça. C'est vrai que ça n'existe pas. La seule différence où on peut parler d'une modération par rapport à l'extrémisme, c'est quand quand ces gens-là parlent, bon, ben, de toutes ces règles-là, et vont ajouter ou vont dire au départ, ça s'applique dans les pays musulmans, où la charia est déjà le système légal en place. Bon, OK, parfait. Sauf qu'il y en a qui font part de leur souhait, directement ou indirectement, pour que ça devienne ici aussi. Ouais, c'est ça. Une terre de charia. Moi, tant que ça se passe là-bas, je veux dire, j'aime pas ça savoir ce qui se passe en Arabie Saoudite et ainsi de suite, mais vraiment, c'est chez eux. Oui, mais selon Marc Lebu, il y a quand même, tu sais, ce centre-là invite des prédicateurs, des imams liés oui, à la Mecque. Oui, oui, ah oui, puis ils sont liés à la Mecque. Puis la Mecque, c'est tellement problématique. Bon. Marc a tout à fait raison. C'est vraiment. J'étais contente d'ailleurs de le voir présenté devant un comité sénatorial parce que quand on sait comment Radio-Canada l'a traité tellement mal à l'émission Enquête, ils se sont vraiment moqués de lui comme si c'était. Alors que c'est un gars qui va parler au sénateur, je lui lève mon pied. Il n'a jamais été poursuivi pour quoi que ce soit. Là. Il n'est pas problématique, Marc Lebu, au contraire. Non, pas du tout. C'est toujours au béton, contraire. Ses affaires. Toujours. Hey, merci beaucoup, Lise. Passe une belle semaine. Ça me fait plaisir. Vous autres aussi. Hey, salut, bye. Bye, bye. Lise Ravary, 10h31.